page de tournée. Oh, oh, oh, oh, oh. Dommage pour cette journée. Oh, oh, oh, oh, oh. Va fondre ta glace, ou bien change de place. Va fondre ta glace, c'est moi qui est tombé en pleine face. Mais il faut que je fasse. Je ne t'entends plus. Où es-tu?